Désir. Le rêve pour les uns serait d'avoir des ailes, de monter dans l'espace en poussant de grands cris, de prendre entre leurs doigts les souples hirondelles et de se perdre, au soir, dans les cieux assombris. D'autres voudraient pouvoir écraser des poitrines en refermant dessus leurs deux bras écartés et s'employer des reins les prenant aux narines, arrêter d'un seul coup les chevaux emportés. Moi, ce que j'aimerais, c'est la beauté charnelle. Je voudrais être beau comme les anciens dieux, et qu'il restât au cœur une flamme éternelle, au lointain souvenir de mon corps radieux. Je voudrais que pour moi, nul ne restât sage. Choisir l'une aujourd'hui, prendre l'autre demain, car j'aimerais cueillir l'amour sur mon passage comme on cueille des fruits en étendant la main. Ils ont, en y mordant, des saveurs différentes. Ces arômes d'hiver nous les rendent plus doux. J'aimerais promener mes caresses errantes des fronts en cheveux noirs aux fronts en cheveux roux. J'adorerais surtout les rencontres des rues, ces ardeurs de la chair qui déchaînent un regard, les conquêtes d'une heure aussitôt disparues, les baisers échangés au seul gré du hasard. Je voudrais au matin voir s'éveiller la brune qui vous tient étranglée dans l'étau de ses bras, et le soir écouter le mot qui dit tout bas, la blonde dont le front s'argente au clair de lune. Puis, sans un trouble au cœur, sans un regret mordant, partir d'un pied léger vers une autre chimère. Il faut dans ces fruits-là ne mettre que la dent, on trouverait au fond une saveur amère.